Lecture d'enfance. C'était en 1988. La réalisatrice Marguerite Gatteau allait à la rencontre d'un acteur ou d'une actrice et l'interrogeait sur son premier souvenir de lecture. Toute une bibliothèque de l'enfance se dessine, transmise de génération en génération. Première lecture, lecture d'enfance. Aujourd'hui, Pierre Vanneck lit « Robur le conquérant » de Jules Verne. Philadelphie est presque une cité de marbre avec ses maisons de grand caractère et ses établissements publics qui ne connaissent point de rivaux. Le plus important de tous les collèges du Nouveau Monde est le collège Girard et il est à Philadelphie. Le plus large pont de fer du globe est le pont jeté sur la rivière Schuylkill et il est à Philadelphie. Le plus beau temple de la franc-maçonnerie est le temple maçonnique et il est à Philadelphie. Enfin, le plus grand club des adeptes de la navigation aérienne est à Philadelphie. Et si l'on veut bien le visiter dans cette soirée du 12 juin, peut-être y trouvera-t-on quelque plaisir. En cette grande salle s'agitait, se démenait, gesticulait, parlait, discutait, disputait, tous le chapeau sur la tête, une centaine de ballonistes, sous la haute autorité d'un président assisté d'un secrétaire et d'un trésorier. Ce n'étaient point des ingénieurs de profession, non, de simples amateurs de tout ce qui se rapportait à l'aérostatique, mais amateurs enragés et particulièrement ennemis de ceux qui veulent opposer aux aérostats les appareils plus lourds que l'air, machines volantes, navires aériens ou autres. Que ces braves gens dussent jamais trouver la direction des ballons, c'est possible. En tout cas, leur président avait quelque peine à les diriger eux-mêmes. L'huissier du Weldon Institute, froidement et tranquillement comme un policeman au milieu des orages d'un meeting, s'était approché du bureau du président. Il lui avait remis une carte. Il attendait les ordres qu'il conviendrait à Uncle Prudent de lui donner. Uncle Prudent fit résonner la trompe à vapeur qui lui servait de sonnette présidentielle, car même la cloche du Kremlin ne lui aurait pas suffi. Mais le tumulte ne cessa de s'accroître, alors le président se découvrit. Et un demi-silence fut obtenu grâce à ce moyen extrême. « Une communication !» dit Uncle Prudent après avoir puisé une énorme prise dans la tabatière qui ne le quittait jamais. « Parlez, parlez !» répondirent 99 voix, eux par hasard, d'accord sur ce point. « Un étranger, mes chers collègues, demande à être introduit dans la salle de nos séances. « Jamais !» répliquèrent toutes les voix. « Il désire nous prouver, paraît-il, reprit Uncle Prudent, que de croire à la direction des ballons, c'est croire à la plus absurde des utopies. » Un grognement accueillit cette déclaration. « Qu'il entre ! Qu'il entre !»« Comment se nomme ce singulier personnage ?» demanda le secrétaire Phil Evans. « Robur, » répondit Uncle Prudent. « Robur, Robur, Robur !» hurla toute l'assemblée. Et si l'accord s'était si rapidement fait sur ce nom singulier, c'est que le Weldon Institute espérait bien décharger sur celui qui le portait le trop-plein de son exaspération. La tempête s'était donc un instant apaisée, en apparence du moins. D'ailleurs, comment une tempête pourrait-elle se calmer chez un peuple qui en expédie deux ou trois par mois à destination de l'Europe sous forme de bourrasque ? Je crois que c'est par hasard que je suis tombé sur ce livre. C'est un livre qui m'avait fait absolument rêver. Je crois que c'est le premier Jules Verne que j'ai lu et qui m'a totalement emporté. Je me souviens plus exactement quel âge j'avais à l'époque. Enfin, je savais lire en tout cas, c'est ce que je sais. Il y avait beaucoup de livres chez vous à la maison. Comment est-ce que vous les trouviez, ces livres, par exemple, Robur le Conquérant? Comment est-ce qu'il a pu atterrir dans vos mains? Je sais pas, vous me posez des questions. C'est peut-être des bibliothèques, d'écoles. Je crois me souvenir que c'est par ce truchement-là. Vos parents n'achetaient pas de livres? Ah, vous me posez, vous me demandez de remonter loin dans le temps. non, je crois que c'est surtout à l'école que j'ai trouvé des livres. Il y en avait un autre qui était un peu plus tard, quand j'ai commencé à faire de l'anglais, mais on commençait assez tôt. C'était un livre d'anglais qui m'a accompagné très longtemps et que j'ai trouvé à l'école aussi, qui s'appelait « Le vent dans les saules »,« The wind in the willows ». Et puis, avant ça, un autre qui est probablement l'un des premiers livres que j'ai lu vraiment, c'est-à-dire d'un bout à l'autre avec passion, c'était Le Tour de France de deux enfants, qui était alors quelque chose qui m'a appris la vie. C'était la première vision que j'avais en dehors de ma petite sphère personnelle, quoi. Ça aussi, c'était un livre scolaire. C'était un livre, c'était un livre scolaire aussi. Je crois que très tôt, dès qu'on commençait à lire, l'instituteur ou le premier professeur qu'on avait, il avait eu l'idée de nous donner ce livre à lire. Et toute la classe lisait ce livre et on en lisait un chapitre. À chaque fois, c'était passionnant, c'était formidable. C'est donc l'école qui vous a donné le goût de la lecture. J'ai l'impression, oui, mais maintenant qu'on en reparle et que je m'en souviens un peu, ça se précise de plus en plus. C'est surtout à l'école que j'ai commencé à lire et commencé à apprendre à lire un livre, en tout cas. Et auparavant, est-ce que quelqu'un vous racontait des histoires, ouvrait un livre le soir, le feuilletait Je ne crois pas. Quand vous étiez malade, comme aujourd'hui. non, j'ai pas l'impression. Ma mère n'était pas une lectrice, je la revois pas en tout cas assise ou sur le bord de mon lit ou le soir, je la revois pas en train de lire. Mais et puis en plus, j'avais pas des problèmes de langue, mais comme je suis d'origine flamande, ma première langue en fait a été le flamand. Et mes parents qui étaient flamands l'un et l'autre, bien que mon père soit naturalisé français, ils parlaient les deux langues. En fait, je n'ai pas eu de langue dans laquelle on pouvait lire, parce que toute ma famille parlait flamand, ne comprenait pas le français. Il n'y avait que ma mère et mon père qui parlaient français. Et je faisais mes études en flamand. Alors, je ne sais pas, il y a une espèce de mélange des langues qui fait que, pendant très longtemps, je n'ai pas lu. Bizarrement, ça m'a empêché de lire et j'ai mis longtemps. Et mes parents ne m'ont pas fait lire. Peut-être que ça tient, c'est un peu confus ce que je raconte, mais peut-être que ça tient à ça. Vous n'avez pas lu de livres flamands à l'époque ? Non, c'était surtout une langue parlée. D'ailleurs, le peu de flamand que je connaisse encore, c'est un flamand un peu dialectal, l'accent d'Anvers, qui n'était sûrement pas une langue littéraire, qui était une langue épouvantable. C'est une langue qui m'a jamais entraîné dans la poésie et dans l'envie de lire. C'est une langue des rues pour moi, c'est une langue de jeu, une langue parlée, mais sûrement pas une langue écrite. Le président du Weldon Institute était stupéfait. Son compagnon abasourdi. Mais ni l'un ni l'autre ne voulut rien laisser paraître de cet ahurissement si naturel. Le valet, Fry Collin, lui, ne dissimulait pas son épouvante à se sentir emporté dans l'espace à bord d'une pareille machine et il ne cherchait point à s'en cacher. Pendant ce temps, les hélices suspensives tournaient rapidement au-dessus de leur tête. Si considérable que fût alors cette vitesse de rotation, elle eût pu être triplée pour le cas où l'Albatros aurait voulu atteindre de plus hautes zones. Quant aux deux propulseurs, lancés à une allure assez modérée, ils n'imprimaient à l'appareil qu'un déplacement de 20 km à l'heure. En se penchant au dehors de la plateforme, les passagers de l'Albatros purent apercevoir un long et sinueux ruban liquide qui serpentait comme un simple ruisseau à travers un pays accidenté au milieu de l'étincellement de quelques lagons obliquement frappés des rayons du soleil. Ce ruisseau, c'était un fleuve, et l'un des plus importants de ce territoire. Sur la rive gauche se dessinait une chaîne montagneuse dont la prolongation allait à perte de vue. « Et nous direz-vous où nous sommes ?» demanda Uncle Prudent d'une voix que la colère faisait trembler. « Je n'ai point à vous l'apprendre, » répondit Robur. « Et nous direz-vous où nous allons ?» ajouta Phil Evans. « À travers l'espace. »« Et cela va durer ?»« Le temps qu'il faudra. » « S'agit-il donc de faire le tour du monde ?» demanda ironiquement Phil Evans. « Plus que cela, » répondit Robur. « Et si ce voyage ne nous convient pas ?» répliqua Uncle Prudent. « Il faudra qu'il vous convienne. » Voilà un avant-goût de la nature des relations qui allaient s'établir entre le maître de l'Albatros et ses hôtes, pour ne pas dire ses prisonniers. Mais manifestement, il voulut tout d'abord leur donner le temps de se remettre, d'admirer le merveilleux appareil qui les emportait dans les airs et, sans doute, d'en complimenter l'inventeur. Aussi affecta-t-il de se promener d'un bout à l'autre de la plateforme, libre à eux d'examiner le dispositif des machines et l'aménagement de l'aéronef ou d'accorder toute attention au paysage dont le relief se développait au-dessous d'eux. Uncle Prudent, dit alors Phil Evans, si je ne me trompe, nous devons planer sur la partie centrale du territoire canadien. Ce fleuve, qui coule dans le nord-ouest, c'est le Saint-Laurent. Cette ville que nous laissons en arrière, c'est Québec. C'était en effet la vieille cité de Champlain dont les toits de fer blanc éclataient au soleil comme des réflecteurs. L'Albatros était donc élevé jusqu'au 46e degré de latitude nord, ce qui expliquait l'avance prématurée du jour et la prolongation anormale de l'aube. « Oui, reprit Phil Evans, voilà bien la ville en amphithéâtre, la colline qui porte sa citadelle, ce Gibraltar de l'Amérique du Nord. Et voici les cathédrales anglaises et françaises, voici la douane, avec son dôme surmonté du pavillon britannique. » Phil Evans n'avait pas achevé que déjà la capitale du Canada commençait à se réduire dans le lointain. L'aéronef entrait dans une zone de petits nuages qui dérobèrent peu à peu la vue du sol. Robure, voyant alors que le président et le secrétaire du Weldon Institute reportaient leur attention sur l'aménagement extérieur de l'Albatros, s'approcha et dit « Eh bien, messieurs, croyez-vous à la possibilité de la locomotion aérienne au moyen des appareils plus lourds que l'air ?» Il eût été difficile de ne pas se rendre à l'évidence. Cependant, Uncle Prudent et Phil Evans ne répondirent pas. « Vous vous taisez ?» reprit l'ingénieur. « Sans doute c'est la faim qui vous empêche de parler, mais si je me suis chargé de vous transporter dans l'air, croyez que je ne vous nourrirai pas de ce fluide peu nutritif. Votre premier déjeuner vous attend. » Comme Uncle Prudent et Phil Evans sentaient la faim les aiguillonner vivement, ce n'était pas le cas de faire des cérémonies. Un repas n'engage à rien. Et lorsque Robure les aurait remis à terre, ils comptaient bien reprendre vis-à-vis de lui leur entière liberté d'action. Tous deux furent alors conduits vers le rouffle de l'arrière dans un petit dining room. Là se trouvait une table proprement servie à laquelle ils devaient manger à part pendant le voyage. Pour plat, différentes conserves et entre autres une sorte de pain composé en partie égale de farine et de viande réduite en poudre, relevée d'un peu de lard, lequel bouilli dans l'eau donne un potage excellent, puis des tranches de jambon frit et du thé pour boisson. À 10 heures du soir, l'Albatros venait d'atteindre les côtes de France à peu près à la hauteur de Dunkerque. La nuit était assez sombre. Un instant, on put voir le phare de Grinet croiser ses feux électriques avec ceux de Douvres, d'une rive à l'autre du détroit du Pas-de-Calais. Puis l'Albatros s'avança au-dessus du territoire français en se maintenant à une moyenne altitude de 1000 mètres. Sa vitesse n'avait point été modérée. Il passait comme une bombe au-dessus des villes, des bourgs, des villages, si nombreux en ces riches provinces de la France septentrionale. C'était sur ce méridien de Paris, après Dunkerque, Doullens, Amiens, Creil, Saint-Denis. Rien ne le fit dévier de la ligne droite. C'est ainsi que vers minuit, il arriva au-dessus de la ville Lumière, qui mérite ce nom même quand ses habitants sont couchés, ou devraient l'être. Par quelle étrange fantaisie l'ingénieur fut-il porté à faire halte au-dessus de la cité parisienne, on ne sait. Ce qui est certain, c'est que l'Albatros s'abaissa de manière à ne la dominer que de quelques centaines de pieds seulement. Robure sortit alors de sa cabine et tout son personnel vint respirer un peu de l'air ambiant sur la plateforme. Uncle Prudent et Phil Evans n'eurent garde de manquer l'excellente occasion qui leur était offerte. Tous deux, après avoir quitté leur roufle, cherchèrent à s'isoler afin de pouvoir choisir l'instant le plus propice. Il fallait surtout éviter d'être vu. L'Albatros, semblable à un gigantesque scarabée, allait doucement au-dessus de la grande ville. Il parcourut la ligne des boulevards, si brillamment éclairée alors par les appareils Edison. Jusqu'à lui montait le bruit des voitures circulant encore dans les rues et le roulement des trains sur les railways multiples qui rayonnent vers Paris. Puis, il vint planer à la hauteur des plus hauts monuments, comme s'il eût voulu heurter la boule du Panthéon ou la croix des Invalides. Il volta depuis les deux minarets du Trocadéro jusqu'à la tour métallique du Champ de Mars, dont l'énorme réflecteur inondait toute la capitale de lueurs électriques. Cette promenade aérienne, cette flânerie de noctambule dura 1 heure environ. C'était comme une halte dans les airs avant la reprise de l'interminable voyage. Et même l'ingénieur Robure voulut sans doute donner aux Parisiens le spectacle d'un météore que n'avaient point prévu ses astronomes. Les fanaux de l'Albatros furent mis en activité. Deux gerbes brillantes se promenèrent sur les places, les squares, les jardins, les palais, sur les 60 000 maisons de la ville, en jetant d'immenses houppes de lumière d'un horizon à l'autre. Certes, l'Albatros avait été vu cette fois. Non seulement bien vu, mais entendu aussi, car Tom Turner, en bouchant sa trompette, envoya sur la cité une éclatante fanfare. À ce moment, Uncle Prudence, se penchant au-dessus de la rambarde, ouvrit la main et il laissa tomber la tabatière. Presque aussitôt, l'albatros s'éleva rapidement. Alors, à travers les hauteurs du ciel parisien, monta un immense hurrah de la foule, grande encore sur les boulevards, hurrah de stupéfaction qui s'adressait aux fantaisistes météores. Soudain, les fanaux de l'aéronef s'éteignirent. L'ombre se refit autour de lui en même temps que le silence et la route fut reprise avec une vitesse de 200 km à l'heure. C'était tout ce qu'on devait voir de la capitale de la France. Peut-être veut-on savoir ce qu'était devenue la fameuse tabatière après sa chute. La tabatière était tombée rue de Rivoli, en face du numéro 210, au moment où cette rue se trouvait déserte. Le lendemain, elle fut ramassée par une honnête balayeuse qui s'empressa de la porter à la préfecture de police. Là, prise tout d'abord pour un engin explosif, elle fut déficelée, développée, ouverte avec une extrême prudence. Soudain, une sorte d'explosion se fit, un éternuement formidable que n'avait pu retenir le chef de la sûreté. Le document fut alors tiré de la tabatière et, à la surprise générale, on y lut ce qui suit. Uncle Prudent et Phil Evans, président et secrétaire du Weldon Institute de Philadelphie, enlevés dans l'aéronef Albatros de l'ingénieur Robur. Faire part aux amis et connaissances, signé UP et PE. C'était l'inexplicable phénomène enfin expliqué aux habitants des deux mondes. C'était le calme rendu aux savants des nombreux observatoires qui fonctionnent à la surface du globe terrestre. Avant d'attraper le virus de la lecture, à quoi est-ce que vous occupiez votre temps de petit garçon ? Je crois que je jouais surtout. Je jouais, puis plus tard, après, quand ma famille, enfin mon père et ma mère sont revenus en France, c'est-à-dire au moment de la guerre, parce que mon père était dans l'armée française, après on est allé en Algérie, et là j'ai continué à jouer dans les rues d'Alger avec les petits arabes, avec des lance-pierres, vous voyez, c'était prémonitoire. Et après, quand vous avez découvert les livres, comment est-ce que vous vous installiez pour lire ? Dans quelle position ? Ah, c'est une drôle de question, tiens, j'ai jamais pensé à ça. Je lisais pas assis, en tout cas. Je lisais probablement couché sur le ventre, et plus tard, alors mes souvenirs sont plus clairs, dans mon lit. C'était l'endroit rêvé pour lire, surtout quand on n'avait pas le droit, il fallait éteindre la lumière, c'était probablement le moment le plus délicieux, quoi. Avant de vous endormir, donc. Oh, ou le matin, en se levant très tôt, les petites demi-heures qu'on vole avant de partir avec son cartable. Quel rapport vos parents avaient à la lecture, à votre lecture, au fait que vous lisiez ou que vous ne lisiez pas ? Est-ce qu'on vous interdisait de lire ? Est-ce qu'on vous... Non, je crois que j'ai aucun souvenir d'intervention de mes parents dans mes lectures, à quelque niveau que ce soit, c'est-à-dire ou pour me conseiller ou pour me l'interdire. Mon père était plutôt un homme d'action puisqu'il était dans l'armée à une époque où on s'agitait encore beaucoup dans ces milieux-là parce qu'il y avait les colonies, il y avait tout ça. Moi, je suis né en Indochine, par exemple. Parce que mon père était dans l'infanterie coloniale, comme on disait à l'époque. Donc, c'était plus un homme d'action qu'un homme... c'est surtout ma mère qui s'occupait de ses enfants. Et c'était plus une personne portée vers... j'allais dire l'élevage de ses enfants, d'une certaine façon, mais sans s'immiscer dans leur formation intellectuelle. Elle nous nourrissait, elle nous aimait beaucoup, elle nous poupouillait, mais elle ne nous faisait pas lire. Enfin, pour autant que mes souvenirs... Vous avez beaucoup voyagé Je crois que j'ai fait pas mal de kilomètres, oui. C'est peut-être ça qui vous plaisait aussi dans Jules Verne, de retrouver... Je n'avais pas pensé à ça, oui. Oh, peut-être qu'il y a un rapport, oui, les voyages. C'est possible, c'est vous qui me faites mettre le doigt dessus, mais c'est très possible. Les objets volants qui apparaissent dans Robur le Conquérant, à l'époque, qu'est-ce que c'était pour un petit garçon ? Je crois que on les rattachait pas par ignorance, probablement, on les rattachait pas à un état de la science ou des techniques de l'époque. C'était naturel, on lisait. Enfin, moi, je lisais ce livre et je crois que pour moi, c'était totalement naturel. Cet appareil volant, je me posais pas de questions. Ni sur le sous-marin de Nemo, je ne me suis jamais posé de questions. Pour moi, c'était naturel, à partir du moment où je le lisais dans le livre, c'était une espèce de naturel du surnaturel, enfin, un naturel de l'extraordinaire. Mais comme on vivait de toute façon, je pense qu'un enfant vit dans des zones un peu extraordinaires, c'était naturel, mais dans l'extraordinaire, bien sûr. Parce que moi, j'ai souvenir, quand je repense à mon enfance, d'une chose extraordinaire, quand on levait la tête et qu'il y avait un avion qui passait. On levait la tête, par exemple, quand il y avait un avion qui passait. Ah bon, mais ça m'a jamais frappé. Je crois que je n'ai jamais dû voir. J'ai aucun souvenir d'avion, d'avoir vu passer un avion dans mon enfant. Je le lisais dans les livres. Donc, je crois que je n'ai jamais levé le nez quand j'étais petit. L'Albatros quitta l'île X dès les premiers jours d'avril. Pendant cette traversée aérienne, il ne voulut pas que son passage pût être signalé en aucun point de la Terre. Aussi, voyagea-t-il presque toujours entre les nuages. Arrivé au-dessus de l'Amérique du Nord, en une portion déserte du Far West, il atterrit. Là, l'ingénieur, gardant le plus profond incognito, apprit ce qui devait lui faire le plus de plaisir d'apprendre. C'est que le Weldon Institute était prêt à commencer ses expériences. C'est que le Go Ahead, monté par Uncle Prudent et Phil Evans, allait partir de Philadelphie à la date du 29 avril. Quelle occasion pour satisfaire cette vengeance qui tenait au cœur de Robur et de tous les siens. Vengeance terrible, à laquelle ne pourrait échapper le Go Ahead. Vengeance publique, qui prouverait en même temps la supériorité de l'aéronef sur tous les aérostats et autres appareils de ce genre. Et voilà pourquoi, ce jour-là, comme un vautour qui se précipite du haut des airs, l'aéronef apparaissait au-dessus de Fairmount Park. Oui, c'était l'Albatros, facile à reconnaître, même de tous ceux qui ne l'avaient jamais vu. Le Go Ahead fuyait toujours, mais il comprit bientôt qu'il ne pourrait jamais échapper par une fuite horizontale. Aussi son salut le chercha-t-il par une fuite verticale. Non en se rapprochant du sol, car l'aéronef aurait pu lui barrer la route, mais en s'élevant dans l'air, en allant dans une zone où il ne pourrait peut-être pas être atteint. C'était très audacieux, en même temps très logique. Cependant, l'Albatros commençait à s'élever avec lui. Bien plus petit que le Go Ahead, c'était l'espadon à la poursuite de la baleine qu'il perce de son dard. C'était le torpilleur courant sur le cuirassé qu'il va faire sauter d'un seul coup. On le vit bien, et avec quelle angoisse. En quelques instants, l'aérostat eut atteint 5000 mètres de hauteur. L'Albatros l'avait suivi dans son mouvement ascensionnel. Il évoluait sur ses flancs. Il l'enserrait dans un cercle dont le rayon diminuait à chaque tour. Il pouvait l'anéantir d'un bond en crevant sa fragile enveloppe. Alors, Uncle Prudent et ses compagnons eussent été broyés dans une effroyable chute. Le public, muet d'horreur, haletant, était saisi de cette sorte d'épouvante qui oppresse la poitrine, qui prend aux jambes quand on voit tomber quelqu'un d'une grande hauteur. Un combat aérien se préparait. Combat où ne s'offraient même pas les chances de salut d'un combat naval. Le premier de ce genre, mais qui ne serait pas le dernier sans doute, puisque le progrès est une des lois de ce monde. Et si le Go Ahead portait à son cercle équatorial les couleurs américaines, l'Albatros avait arboré son pavillon, l'étamine étoilée avec le soleil d'or de Robur, le conquérant. Le Go Ahead voulut alors essayer de distancer son ennemi en s'élevant plus haut encore. Il se débarrassa du lest qu'il avait en réserve. Il fit un nouveau bond de 1000 mètres. Ce n'était plus alors qu'un point dans l'espace. L'Albatros, qui le suivait toujours en imprimant à ses hélices leur maximum de rotation, était devenu invisible. Soudain, un cri de terreur s'éleva du sol. Le Go Ahead grossissait à vue d'œil, tandis que l'aéronef reparaissait en s'abaissant avec lui. Cette fois, c'était une chute. Le gaz, trop dilaté dans les hautes zones, avait crevé l'enveloppe et à demi dégonflé, le ballon tombait assez rapidement. Mais l'aéronef, modérant ses hélices suspensives, s'abaissait d'une vitesse égale. Il rejoignit le Go Ahead lorsqu'il n'était plus qu'à 1200 mètres du sol et s'en approcha bord à bord. Robur voulait-il donc l'achever? Non. Il voulait secourir, il voulait sauver son équipage. Et telle fut l'habileté de sa manœuvre que l'aéronaute et son aide purent s'élancer sur la plateforme de l'aéronef. Uncle Prudent et Phil Evans allaient-ils donc refuser le secours de Robur, refuser d'être sauvés par lui? Ils en étaient bien capables. Mais les gens de l'ingénieur se jetèrent sur eux et par force les firent passer du Go Ahead sur l'Albatros. Puis l'aéronef se dégagea et demeura stationnaire pendant que le ballon entièrement vide de gaz tombait sur les arbres de la clairière où il resta suspendu comme une gigantesque loque. Un effroyable silence régnait à terre. Il semblait que la vie eût été suspendue dans toutes les poitrines. Bien des yeux s'étaient fermés pour ne rien voir de la suprême catastrophe. Uncle Prudent et Phil Evans étaient donc redevenus les prisonniers de l'ingénieur Robur. Puisqu'il les avait repris, allait-il les entraîner de nouveau dans l'espace, là où il était impossible de le suivre? On pouvait le croire. Cependant, au lieu de remonter dans les airs, l'Albatros continuait de s'abaisser vers le sol. Voulait-il atterrir? On le pensa, et la foule s'écarta pour lui faire place au milieu de la clairière. L'émotion était portée à son maximum d'intensité. L'albatros s'arrêta à 2 mètres de terre. Alors, au milieu du profond silence, la voix de l'ingénieur se fit entendre. « Citoyen des États-Unis, » dit-il, « le président et le secrétaire du Weldon Institute sont de nouveau en mon pouvoir. En les gardant, je ne ferai qu'user de mon droit de représailles, mais à la passion allumée dans leur âme par le succès de l'Albatros, j'ai compris que l'état des esprits n'était pas prêt pour l'importante révolution que la conquête de l'air doit amener un jour. Uncle Prudent et Phil Evans, vous êtes libres. » Le président, le secrétaire du Weldon Institute, l'aéronaute et son aide n'eurent qu'à sauter pour prendre terre. L'Albatros remonta aussitôt à 10 de mètres au-dessus de la foule, puis Robur continuant. « Citoyens des États-Unis, dit-il, mon expérience est faite. Mais mon avis est dès à présent qu'il ne faut rien prématurer, pas même le progrès. La science ne doit pas devancer les mœurs. Ce sont des évolutions, non des révolutions qu'il convient de faire. En un mot, il faut n'arriver qu'à son heure. J'arriverai trop tôt aujourd'hui pour avoir raison des intérêts contradictoires et divisés. Les nations ne sont pas encore mûres pour l'union. Je pars donc et j'emporte mon secret avec moi, mais il ne sera pas perdu pour l'humanité. Il lui appartiendra le jour où elle sera assez instruite pour en tirer profit et assez sage pour n'en jamais abuser. Salut, citoyens des États-Unis, salut. » Et l'Albatros, battant l'air de ses 74 hélices, emporté par ses 2 propulseurs, poussé à outrance, disparut vers l'est au milieu d'une tempête de hurrahs qui, cette fois, était admiratif. Et maintenant, toujours cette question. Qu'est-ce que ce Robur ? Le saura-t-on jamais ? On le sait aujourd'hui. Robur, c'est la science future, celle de demain peut-être. C'est la réserve certaine de l'avenir. Quant à l'Albatros, voyage-t-il encore à travers cette atmosphère terrestre, au milieu de ce domaine que nul ne peut lui ravir ? Il n'est pas permis d'en douter. Robur le Conquérant reparaîtra-t-il un jour, ainsi qu'il l'a annoncé ? Oui. Il viendra livrer le secret d'une invention qui peut modifier les conditions sociales et politiques du monde. Quant à l'avenir de la locomotion aérienne, il appartient à l'aéronef, non à l'aérostat. C'est aux Albatros qu'est définitivement réservée la conquête de l'air. Première lecture, lecture d'enfance. Extrait de Robur le Conquérant de Jules Verne par Pierre Vanneck. Pierre Mine, Frédéric Sordoyer, Sylvie Migaud, Marguerite Gâteau.